tracks all day. You already know we stay on and never stop, nigga. Hey, le talent ne paie plus. C'est aussi vrai que le crime paie et que le crime tue. Aussi vrai que la rime pue. Hey, le talent ne paie plus. C'est aussi vrai que le crime paie et que le crime tue. Aussi vrai que la rime pue. Très peu de rappeurs, mais un bon nombre de flûtistes. J'suis tellement haut, j'ai de quoi donner le vertige à un parachutiste. Critique-moi, rien ne t'en empêche. J'ai la trique quand on parle sur Wams qui fait grimper ma côte en flèche. Mon rap s'en tamponne de vos foutues modes. J'aime les entendre gémir quand je remue le couteau dans la prod. Donner sa confiance, c'est prendre des risques. Mes punchlines ont tellement de valeur que je transporte mes textes dans un Brinks. Bientôt 220 au développé couché, lol. Tu piges que dalle, normal pour capter, il te faut la parabole. Je fais pas lire les minables, mon blaze, seulement une lettre, deux syllabes. Tu cherches du lourd, je t'invite à ma table. Du rap authentique servi à l'état brut. Bosse ton rap petit, pour le volume 2, t'inquiète, on recrute. Inconnu au bataillon, pour le 2-2-0. Je me présente, c'est Monsieur X, bande de bureau. Hey, le talent ne paie plus. C'est aussi vrai que le crime paie et que le crime tue. Aussi vrai que la rime pue. Hey, le talent ne paie plus. C'est aussi vrai que le crime paie et que le crime tue. Aussi vrai que la rime pue. Hey. Zaïroi, baissez mon froc, je ne connais pas ça. Y'a bien longtemps que j'ai compris que dans nos caisses y'avait pas de pacha. J'pose avec, on lit pas ça. Je me fais du pied pour un feat. Désolé, je ne côtoie plus les rappeurs passables. J'ai une dent, mais je ne sais même plus contre qui. J'tacle tout le monde à la gorge pour ne plus qu'on me prenne en contre-pied. Inspire, expire, rap, tu t'essouffles. R.I.P. ou R.A.P. français de souche. Ils parlent tous de punchline sans en connaître le sens véritable. Je ne me déplace plus sans mon essence et sans mon jerrycan. Le feu, je veux le foutre en concert dans vos studs. Arrivé sur scène, écharpe palestinienne, roartier en gros cube. Jamais calibré, non, je n'ai pas besoin de bastos. Déclare la guerre sans armes, façon le rap est rempli de cassos. À cette allure, le disque d'or ne saurait tarder. Le mot d'ordre, c'est tout baiser. À vos queues, bref, feu, partez. Hey, le talent ne paie plus. C'est aussi vrai que le crime paie et que le crime tue. Aussi vrai que la rime pue. Hey, le talent ne paie plus. C'est aussi vrai que le crime paie et que le crime tue. Aussi vrai que la rime pue. Ils vendraient leur mère pour la vie de paillettes et de strass. C'est quand vient l'appel des euros que tombent les masques. Oh, l'argent n'a pas d'odeur, ouais. Mais toi tu n'en as pas et ça sent. Caresse de gland pour un billet de 500. Monsieur X, blague brute, combinaison affolante. Tellement loin que tu ne croises qu'à bord d'une soucoupe volante. À vrai dire, je suis de plus en plus tenace. Je lâche pas l'affaire tant que je vois pas le sang de la prod couler sur ma godasse. Le BPM est lent, on kick une instru d'escargot. Rap français, on te fait ta fête, donc enfile ton starco. Des featuring à tout va pour camoufler vos carences. Je n'ai pas besoin de vos têtes d'affiche, je pèse lourd sur la balance. Les frères siamois sont de la partie. Zaïrois, hasta la muerte, soldats de la patrie. On est venu tout becter, donc n'attends pas les restes. C'est le braquage du rap game. Levez les mains, plus un geste.